dans l'avenir et dans le rap j'tire à l'arbalète. J'parle du fond des tripes sur un air de guitare balèze. Même après l'incendie, souvent le feu reste. Si j'avais pas la foi, j'sais pas ce que j'ferais. Maintenant que j'suis tout prêt, j'veux pas que mes chants s'éloignent. La foi me tient debout et chasse mes pensées noires. Des fois j'suis pas bien mais j'forcerai les entrées. J'suis pas là pour plaisanter, le rap je vais les ventrer. Tu vois j'ai foi en l'avenir que j'prépare. Et si c'était pas le cas, je ne l'afficherais pas. Certains veulent courir vite mais ils se tirent une balle dans le pied. Si j'veux marcher droit, c'est que j'en vois trop qui partent en pied. J'essaie d'être grand et sage car j'étais plutôt vilain petit. J'ai foi en mon cerveau, en la culture qui l'imbibe. La foi c'est la force qui me donne l'envie de tout fracasser. ACB prod, laissez passer les bras cassés. On garde la foi même dans les mauvais jours. À fond dans le sport et la musique, c'est ce que j'ai choisi. C'est la famille et toutes ces choses qui me donnent la joie de vivre. Je m'en tape de la bourgeoisie, mais il me faut des billets verts. Parce qu'il y a que dans ces conditions que la vie est belle. Moi je veux prier, frère, je dois parler bien. Je t'adresse cette prière, Seigneur, épargne les miens. Je suis respectueux, je connais les bonnes manières. J'adore admirer le bonheur dans les yeux de ma nièce quand je sens le malaise. C'est ça qui me donne la force de me ressaisir. Tu saisis, ça sert à rien que je m'affole. Ma vie prend de la forme, elle est loin d'être dégoûtante. Même si les murs m'arrêtent, rien ne m'empêche de mettre des coups. Ma vie est belle à l'image de ma femme. C'est pour ça que chaque matin je me réjouis de la voir. Ma foi me vient de vous. J'suis positif, grave, c'est grâce à ça que je tiens debout.